Yeah, double XS music, XS music. Ouais, vas-y écoute. Y'a la snow, y'a l'IMO. C'est double XS, les quoi. Yeah, y'a la one again. Yeah, 8453. On passe en 34. Ouais, vas-y écoute. Yeah. Ok, j'arrive, c'est de rêve, photo, j'm'en bats les couilles du rap. Dédicace au lady qui cherche une relation durable, wesh. À la tienne, c'est Naslo à l'antenne. J'suis pas le maillon faible, j'prends des rimes à la chaîne. Frère, tu cherches quoi? On est en 2010. Le rap ça va, ça avance, mais j'ai pas sorti 2010. Bref, j'ai pas le temps, on est partant. J'rappe comme un putain de virus. Dans tes tympans, j'braque toutes les instrus. On piste les intrus, même si ça sent la défaite. J'm'avoue jamais vaincu, j'en ai plein le cul de toutes vos prises de tête. Quand le stylo est vide, c'est la crise. Dans le texte, NASL2O, N2O pour les intimes. Me tends pas la main, tu vas finir infirme. Tant que tu te crois dans un film, je pas les acteurs, tu fais le mec en BM, tu conduis un tracteur. Mon stylo c'est une arme, 1, 2, 3 et je dégaine. Pas les couilles frère, on avance tranquille. C'est Yarmo au microphone, dis-moi pourquoi tu bégayes. C'est Naslo mon pote, et ouais rien que ça comporte. Impossible de m'éviter frère, j'arrive à 320. J'suis impulsif, lunatique, sur les bords un peu sanguin. Fais péter la sangria, que ce soir je me mets bien. On fait à la one again, tu peux demander à mes frangins. J'suis pas là pour le trône, moi j'encule votre business. J'ai l'art et la manière, avec la force et la finesse. J'm'en balais que de ta vie, de tes fans et de ta vie. Demande jamais de conseils, je veux pas entendre ton avis. J'débarque, j'déboîte, je pose, je repasse. C'est comme ça que ça se passe, le rap c'est de la magie. J'fais des tours de passe-passe, te cachera pas pour ta frangine. Donc j'rappe pas pour les pétasses, tas. Yermo, Naslo, sur un son qui te rend dingue. On a des chevaux sous le capot, on veut rouler en 10 cylindres. Je m'impose sur la scène comme le meilleur des rimeurs. Quand je partais au tapis, dans le rap, j'suis Teddy Riner. Mon stylo c'est une arme, 1, 2, 3 et je dégaine. Pas les couilles frère, on avance tranquille. C'est Yarmo au microphone, dis-moi pourquoi tu bégayes. C'est Naslo mon pote, et ouais rien que ça complote. Ouais gros, ça va ou quoi? Ça va tranquille et toi? Tu écoutes quoi? J'écoute le nouveau son de Yarmo et Naslo. Il est bien ou... Ouais c'est du lourd, écoute ça. C'est trop la folie, Naslo, l'Irmo, que fait la police? À force frotter les mains, la concurrence aura la police. À force de faire des sons, j'ai niqué mes amygdales. Si tu veux gagner des sous, arrête, t'auras pas 10 balles. Les mecs, dis-leur qu'on stresse, toi, qui sait c'est le sud. Que malgré le soleil, tous nos hivers sont rudes. Fais pas jargoter mon pote, t'auras pas ta dédicace. J'ai fait tellement de tueries qu'on m'appelle kamikaze. Arrête d'écarter les jambes, tu vas t'éclater les adducteurs. J'rappe pas pour les minotes de 13-14 en chaleur. Je suis pas une tête d'affiche, je me fous de ma dégaine. Tu critiques, m'en gratte les couilles, cousin à la one again. Encore un son avec les. Qui protège toi après car c'est la bombe. On enterre tous les MC, tu peux déjà creuser ta tombe. Dès le départ dans les starting blocks, on ne voit que tu t'écartes espèce d'enfoiré. Yarmo et Naslo, ça passe même dans ta soirée. Mon stylo c'est une arme, 1, 2, 3 et je dégaine. Pas les couilles frère, on avance tranquille. C'est Yarmo au microphone, dis-moi pourquoi tu bégayes. C'est Naslo mon pote, et ouais rien que ça comporte. I want to get.